Naturellement Parc, l'émission du Parc naturel régional de Lorraine. Cet été, partez à la découverte de la Lorraine avec un réseau d'adresses et de bons plans conciliant préservation de l'environnement, partage et lien au territoire. Pour vous guider et inspirer vos vacances, on vous propose 6 escapades éco-positives Valeur Parc Naturel Régional de Lorraine. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, vous êtes en Lorraine. Quelque part dans un autre espace-temps, je vous emmène à la découverte des Côtes de Meuse. On prend de la hauteur et du haut d'Hatton-Châtel, 5e village préféré des Français 2023. Quand même, laissons-nous guider par Pauline Dourche de l'Office de tourisme Cœur de Lorraine. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, quelle est l'histoire de ce merveilleux village qu'est Hatton-Châtel ? Hatton-Châtel est un village d'origine médiévale qui a été fondé au 9e siècle par l'évêque de Verdun, Hatton. Et donc, jusqu'au 16e siècle, ce village a été un lieu de résidence pour les évêques de Verdun avant de passer aux mains des ducs de Lorraine. Et donc, aujourd'hui, nous avons de beaux vestiges médiévaux dans ce village d'Hatton-Châtel à découvrir. Oui, alors il y a la maison de la voûte, par exemple, qui est assez extraordinaire. Oui, alors la maison de la voûte qui est l'emplacement où se situait la porte d'entrée du village. Mmh. Et puis la collégiale Saint-Maur aussi. La collégiale Saint-Maur, là où l'on peut y retrouver donc le retable de la Passion, réalisé en 1523, première œuvre connue de Lizier Richier qui fête cette année ses 500 ans. Ah quand même, c'est pas tout jeune. Non, en effet. Mais alors, au cours de la Première Guerre mondiale, le village, il a été presque complètement détruit. C'est ça, le village d'Hatton-Châtel a été détruit à 80%, mais il va renaître de ses cendres grâce à une grande personne, c'est Belle Skinner. Qui est une belle américaine. Oui. Alors, le gîte Isabelle est vraiment le point de départ idéal pour plonger dans cet espace-temps entre nature et patrimoine, dès l'âge de pierre, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de vestiges de ce moment-là. C'est un gîte Valeur Parc Naturel Régional de Lorraine qui est installé dans une maison du 15e siècle. Ce gîte y rend hommage justement à Miss Belle Skinner, la bienfaitrice américaine, qui a marqué l'histoire du village après la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'elle a reconstruit, Miss Belle Skinner, dans ce village ? Miss Belle Skinner a reconstruit plusieurs bâtiments. Tout d'abord, ce qui a été reconstruit, donc le lavoir Skinner en 1921. Mmh. Puis le monument aux morts et l'ancienne mairie-école en 1923. Mmh. Et le commencement de la reconstruction du château a commencé en 1923 et ce jusqu'en 1928, qui était destiné à être sa résidence. Oui, alors en plus, il y a un magnifique point de vue hein, quand on rentre. Moi, je vous conseille de rentrer sous les arcades de l'ancienne mairie-école. Et là, vous avez un point de vue qui est juste magnifique sur la vallée. C'est extraordinaire. C'est vraiment à ne pas manquer. On voit justement tous ces coteaux, toutes ces terres cultivées, parce que c'est aussi une terre de gourmandise, hein, ce petit coin de paradis. À Chaillon, par exemple, il y a des agriculteurs, des maraîchers, comme la ferme de Stéphane Métavant, où on produit une viande de bœuf extraordinaire. À la ferme du Petit Banc, oui, également, on va trouver une boutique avec une épicerie locale qui permet de remplir votre panier, légumes, fromage, jus, nectar de Mirabelle. C'est assez sympa quand on décide d'aller pique-niquer du côté d'Hatton-Châtel. Les Côtes de Meuse sont très très gourmandes. Hein. Il y a évidemment le fruit qu'on ne présente plus, la Mirabelle, l'or de Lorraine. La production, en plus d'y être abondante, est assez remarquable. Donc à 20 minutes de là, on peut allier la gourmandise et la culture en s'arrêtant chez vous, Pauline, à l'Office de tourisme Cœur de Lorraine, qui se situe à Saint-Mihiel. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la boutique de l'Office de tourisme ? À l'Office de tourisme, on a une petite boutique avec de nombreuses gourmandises à la Mirabelle, qui est le reflet de la production des vergers qui émaillent les coteaux. Mmh. Donc on peut y trouver des pâtes de fruits, des caramels, des bières aussi à consommer avec modération. Et donc, vous pourrez également y retrouver de nombreux ouvrages sur le saillant de Saint-Mihiel, sur le patrimoine historique concernant la destination Cœur de Lorraine, mais aussi des cartes de randonnée ou encore des cartes postales. Oui, ça c'est vrai que les petites cartes de randonnée, c'est quand même pratique quand on veut découvrir le territoire à petits pas ou grandes enjambées. Il y a d'autres spécialités gustatives aussi qui font la renommée de Saint-Mihiel. Oui, c'est ça exactement. Donc à Saint-Mihiel, on a deux grandes spécialités saint-mihielloises. Donc tout d'abord, on aura les croquets qui ont été créés en 1854. Et donc c'est une spécialité de biscuits à base de farine, œufs, vanille et amandes. Et c'était un biscuit à l'époque qui était très apprécié par le président Raymond Poincaré. C'est les petits biscuits qu'on trempe gentiment dans le thé, là, qui deviennent tout fondant. Oui, c'est ça. Oh, c'est Exactement. une horreur. Il y a aussi les Et rochers. les rochers, bien sûr, les rochers, on a aussi des rochers. Donc là, pour les amateurs de chocolat, c'est super. Donc ça a été créé en 1922 par un pâtissier de Saint-Miel. Et donc les rochers de Saint-Miel doivent son nom aux roches de Saint-Miel. Donc les curiosités géologiques situées à la sortie de Saint-Miel en direction de Verdun. Il s'agit de petites gourmandises au chocolat noir et au lait avec des noisettes grillées et concassées. C'est super bon. Ah, j'imagine, oui, c'est très très très gourmand. C'est bien pour pouvoir visiter, il faut prendre des forces, ça aide toujours. Au cours d'une balade. Voilà, et ces deux spécialités dont vous parliez là, elles ont une petite particularité, elles sont inscrites au patrimoine national des spécialités? C'est ça, exactement, depuis le 7 juin 1994. Et on peut les trouver donc dans la boutique? C'est ça. Alors, dans la boutique, donc au salon de thé de la boutique de Saint-Miel, donc au Cérévance, ou alors à la boulangerie Rocher et Croquet de Saint-Miel. Qui porte bien son nom. Exactement. Et il y a une perle culturelle également à découvrir, à presque, c'est très très loin de l'office de tourisme, hein, je pense qu'il y a bien 10 mètres, c'est la bibliothèque bénédictine. Alors ça, c'est un lieu qui est extraordinaire. Quand on pousse ses portes, on rentre vraiment dans un autre espace-temps. On va y trouver quoi comme type d'ouvrage? On va y trouver plusieurs ouvrages, donc je vais vous parler des plus connus. Donc tout d'abord le pseudo-Athanase, datant du 9e siècle, et donc c'est l'un des plus anciens ouvrages que l'on peut retrouver dans cette magnifique bibliothèque. Oui, parce que c'est quand même le 9e siècle, hein. C'est ça, exactement. Et donc on peut retrouver aussi le Graduel. Alors le Graduel, c'est un ouvrage qui pèse 32 kilos. Et qui date du 15e siècle. C'est un livre de chants liturgiques. De chants liturgiques, donc on peut retrouver des chants liturgiques à l'intérieur. Il y a un autre ouvrage encore qui est assez remarquable? Oui, on a aussi l'ouvrage Don Louvent, qui date de la première moitié du 16e siècle, et c'est un ouvrage d'un moine de l'abbaye Saint-Michel de Saint-Miel qui raconte son périple lors d'un pèlerinage vers Jérusalem. Avec de riches illustrations, c'est assez extraordinaire à voir. Et tout ça dans un cadre qui est extraordinaire. Les grandes salles, en tout cas, de la bibliothèque sont absolument à voir. Ça vaut le coup d'œil. Alors, maintenant qu'on s'est régalé de gourmandises, qu'on s'est régalé de culture, un petit peu de randonnée, ça peut peut-être nous aider à digérer toutes ces merveilles gustatives et puis nous permettre de découvrir les côtes de Meuse autrement. Un club de randonnée sur le secteur, peut-être à nous conseiller? Oui, alors sur les côtes de Meuse, on a un club de randonnée qui s'appelle le Club des Amis des Côtes, qui propose des randonnées en pleine campagne ou en forêt sur le secteur des côtes de Meuse-Oivre. Et donc, vous pouvez télécharger gratuitement les rando-fiches via l'application Circuit. Donc ça s'écrit un peu bizarrement, circuit, hein. C'est ça. Circuit. Oui, c'est ça. Donc, Circuit ou alors sur notre site internet cœurdelorraine-du6tourisme.fr. Merci beaucoup, Pauline. Et si on a besoin d'autres informations, comment on joint l'Office de tourisme Cœur de Lorraine? Vous pouvez nous joindre au 03 29 89 06 47 ou alors sur l'adresse mail accueil@cœurdelorraine-du6tourisme.fr ou alors venir nous rendre visite directement dans nos locaux, rue du Palais de Justice à Saint-Miel. Et bien, profitez pour découvrir quelques bonnes petites gourmandises et plein de bonnes adresses sur ce secteur assez extraordinaire. Vous retrouvez cette escapade sur le site internet du Parc naturel régional de Lorraine, www.pnr-lorraine.com. Merci, Pauline. Merci, Élise.